Lettre 43e. Continuation de la lettre d'Evelina. M. Smith est venu ce matin m'offrir un billet pour l'assemblée de Hampstead. Je le remerciai de son attention, mais en le priant de m'en dispenser. Il ne se rebuta point de mon refus et il insista avec chaleur. Enfin, voyant que je ne pouvais me débarrasser de lui, je lui déclarai net que mon parti était pris et que je n'accepterais point son billet. Une réponse aussi ferme le décontenança, et il jugea à propos de me demander mes raisons. Tout autre que lui les aurait aisément devinées, mais comme il ne parut pas s'en douter, je crus qu'il serait déplacé d'en venir à des explications. Il me prévint d'ailleurs. « Mais en vérité, madame, vous êtes trop modeste. Je vous assure que ce billet est entièrement à votre service, et je serais très flatté d'avoir l'honneur de danser avec vous. Plus de façon, je vous en prie. »« Vous vous trompez, monsieur. » lui répondis-je, je ne suis pas capable de penser que vous m'ayez offert une politesse sans avoir l'intention de me la faire accepter, mais il serait inutile de vous alléguer les raisons de mon refus, puisqu'également il ne dépend pas de vous de lever mes difficultés. Cette réplique sembla le mortifier un peu, et je n'en fus pas fâché car je ne goûtais pas trop les libertés qu'il se donnait. Persuadé enfin que toutes ces instances étaient inutiles, il se tourna vers Madame Duval, et la pria d'intercéder pour lui, qu'il aurait soin de se procurer un second billet pour elle-même. « Monsieur, lui dit-elle avec humeur, vous eussiez pu tout aussi bien me demander la première. Je ne suis pas accoutumé à ces sortes de grossièretés. Gardez vos billets, nous n'en avons que faire. » Cette sortie acheva de le déconcerter. Il fit quelques excuses à Madame Duval, en ajoutant assez adroitement qu'il n'aurait pas manqué de s'assurer d'avance de son agrément, s'il avait pu prévoir le refus de la jeune demoiselle, qu'il avait espéré au contraire que celle-ci l'aiderait à la persuader elle-même. Cette justification parut suffisante à Madame Duval, et M. Smith, à mon grand chagrin, emporta son consentement. Elle lui promit, pour elle et pour moi, que nous le suivrions à Hampstead dès qu'il voudrait. M. Smith, fier de ce succès, s'approcha de moi pour me demander, d'un air triomphant, si je comptais encore persister dans mon refus. Je ne lui répondis rien et il se retira. Il a entièrement réussi à captiver les bonnes grâces de Madame Duval, et elle dit, lorsqu'il fut parti, que c'était le plus aimable jeune homme qu'elle eût vu en Angleterre. J'ai saisi la première occasion pour essayer de prier Madame Duval, avec toute la modération possible, de me dispenser de cette partie. Je lui ai représenté de mon mieux combien il serait indécent que j'acceptasse un cadeau de la part d'un jeune homme que je ne connais point. Elle s'est moquée de mes scrupules en m'appelant une sotte petite campagnarde qui a grand besoin d'apprendre l'usage du monde. Le bal aura lieu la semaine prochaine. Je suis persuadé qu'il ne convient pas que j'y aille, et par cette raison je ferai tout ce qui dépendra de moi pour esquiver cette invitation. Miss Brunton pourrait m'être utile dans cette occasion. Elle a des vues sur M. Smith, et elle désapprouvera vraisemblablement qu'il m'ait choisi pour sa moitié, de sorte qu'elle m'accordera volontiers ses bons offices. 31 juillet. Oh, mon cher monsieur, j'ai eu une frayeur mortelle et en même temps un grand sujet de joie. J'ai sauvé un homme qui, sans moi, était perdu. Madame Duval m'annonça ce matin qu'elle se proposait d'inviter pour demain la famille Brunton, et ne jugeant pas à propos de se lever encore, elle passe ordinairement la matinée au lit, elle me chargea de ce message. Monsieur Dubois, qui arriva dans le même moment, m'accompagna. Je trouvai M. Brunton dans sa boutique. Il me dit que ses enfants étaient sortis, mais qu'ils rentreraient incessamment. Il me pria de prendre la peine de monter pour les attendre. C'est ce que je fis, pendant que M. Dubois resta en bas. J'entrai dans la chambre où nous avions dîné la veille, et par un hasard des plus singuliers, je me plaçai le visage tourné contre l'escalier. Dans moins d'un quart d'heure, je vis passer l'Écossais dont je vous ai parlé dans ma dernière. Il avait les yeux égarés et sa démarche était incertaine. En tournant le coin de l'escalier, qui est fort étroit, le pied lui glissa et il tomba. Dans le mouvement qu'il fit pour se relever, j'aperçus distinctement le bout d'un pistolet qui sortait de sa poche. Je fus saisi au-delà de toute expression. Ce que j'avais entendu de la situation misérable de ce jeune homme me fit craindre qu'il ne méditât un mauvais coup. Frappé de cette idée, les forces me manquèrent. Je demeurai immobile, incapable d'agir, glacé d'effroi. L'étranger continua son chemin et je le perdis bientôt de vue. Je tremblais comme une feuille, mais la réflexion que je pourrais peut-être prévenir un malheur me rendit mes esprits et je me remis, soutenu par l'espérance de sauver cet infortuné. Je résolus d'abord de courir vers M. Brunton. Mais tout pouvait dépendre d'un seul instant. Je ne pris donc conseil que de mes craintes et je montai au troisième étage. Arrivé au haut de l'escalier, je m'arrêtai. La porte de la chambre était entr'ouverte et je pus distinguer ce qui s'y passait. J'aperçus un pistolet qui était posé sur la table. L'étranger en tira un second de sa poche. Il sortit quelque chose d'un petit sac de cuir, après quoi il prit un pistolet dans chaque main, se jeta à genoux et s'écria « Pardonnez, oh mon Dieu !» Dans ce moment, mes forces et mon courage me revinrent comme par inspiration. Je me précipitai dans la chambre et je n'eus pas plutôt saisi mon bras qu'accablé de frayeur, je tombais moi-même sans connaissance. Je ne fus pas longtemps à me remettre. Cet infortuné était devant moi et me regardait d'un œil à la fois farouche et attendri. Je me relevai. Les pistolets étaient sur le plancher. J'aurais voulu les ôter, mais j'étais trop faible pour m'y hasarder. L'homme était immobile comme une statue, et sans proférer une parole, il me fixa avec des yeux toujours également égarés. J'étais appuyé d'une main sur la table, et dans cette position nous passâmes plusieurs minutes. Enfin, ne sachant quel parti prendre, j'allais sortir. Il me laissa passer et demeura toujours dans une attitude qui marquait le dernier degré du désespoir. Un mouvement de pitié me fit revenir sur mes pas, et poussé par un sentiment que je n'eus pas la force de réprimer, je me déterminai à emporter les pistolets. Mais le malheureux pour qui je m'exposais me prévint et s'empara de nouveau des armes que je voulais lui arracher. Je ne savais plus ce que je faisais, mais par un heureux instinct, je lui retins les bras et lui dis « Monsieur, ayez compassion de vous-même ». À ces mots, il laissa tomber les pistolets et en joignant les mains, il s'écria avec ferveur « Oh mon Dieu, est-ce un ange que tu m'envoies ?» Encouragé par ces mots, j'essayai encore une fois de m'emparer de ses armes. Mais ce furieux m'en empêcha et s'écria « Que prétendez-vous faire ? Vous réveiller ?» repris-je avec une intrépidité que j'aurais de la peine à retrouver. « Vous ramener à la raison, vous sauver du précipice. » Je pris les pistolets. L'homme ne dit pas un mot. Il ne chercha pas non plus à me retenir. Je me glissai hors de la chambre et je descendis avant qu'il eût le temps de revenir de son extase. De retour dans la chambre d'où j'avais observé le commencement de cette scène effrayante, je n'eus rien de plus pressé que de me jeter sur une chaise pour m'y abandonner au sentiment douloureux dont j'étais accablé. Un ruisseau de larmes me soulagea fort à propos. Je demeurai dans cette situation pour rêver à l'aventure dont je venais d'être témoin. Le premier objet que je vis en levant les yeux fut le malheureux jeune homme qui m'avait causé tant d'alarmes. Il se tenait appuyé contre la porte, ses yeux égarés fixés sur moi. Je voulus m'avancer vers lui, mais je n'eus pas la force de quitter mon siège. Alors il me dit d'une voix tremblante « Qui que vous soyez, tirez-moi, je vous supplie, de l'incertitude d'où je me trouve. Ce qui vient de m'arriver, est-ce un songe ?» Je n'eus pas la présence d'esprit de répondre à cette question qui me saisit par le ton singulier et en même temps solennel dont elle fut prononcée. Mais comme je remarquais que l'étranger cherchait des yeux les pistolets et qu'il faisait mine de vouloir s'en rendre maître, je fus la première à les relever et je lui criai « Arrêtez, au nom du ciel !»« Mes yeux ne me trompent-ils pas ? » reprit-il. « Suis-je bien au monde ? Et vous-même, y êtes-vous ? » Il fit quelques pas vers moi. Je me retirai à mesure, en tenant toujours les pistolets. « Non, lui dis-je, vous ne les aurez pas. Vous ne les obtiendrez jamais de mes mains. Et dans quelle vue prétendez-vous me les retenir ? Pour vous laisser le temps de réfléchir, pour vous sauver d'un malheur éternel. Vous me surprenez, reprit-il, les yeux et les mains levés vers le ciel. Vous me surprenez très fort. » En disant ces mots, il parut plongé dans la plus profonde rêverie. Le bruit qui se fit entendre au bas de l'escalier annonça l'arrivée des Brunton. Aussitôt cet infortuné se réveilla comme en sursaut. Il s'approcha de moi, mit un genou en terre, saisit ma robe, qu'il pressa de ses lèvres, et vola promptement hors de la chambre. Une aventure aussi extraordinaire et aussi touchante fit sur moi la plus forte impression. J'étais épuisé au point que je tombais évanoui avant que les Brunton fussent entrés. Ma vue devait les effrayer. J'étais étendu par terre, les pistolets à côté de moi. Ce coup d'œil semblait leur annoncer une catastrophe tragique. Je repris insensiblement mes esprits. grâce aux cris plutôt qu'aux soins qu'ils me donnèrent. Ils me supposaient morte et personne ne pensait à m'appeler du secours. J'étais à peine un peu revenu, qu'ils m'étourdirent d'un torrent de questions. Ils criaient tous à pleine tête. Je satisfis leur curiosité aussi bien que je pus, et mon récit les remplit d'effroi. Mais comme je n'étais guère en état de parler longtemps, je demandai une chaise à porteurs pour retourner au plus vite chez moi. Avant de quitter la maison, je leur recommandai instamment de veiller de près à leur malheureux locataire, et d'écarter surtout soigneusement tout ce qui pourrait servir à exécuter le coup funeste qu'ils méditaient. Monsieur Dubois parut fort en peine de mon indisposition. Il suivit ma chaise et me reconduisit chez madame Duval. Le sort de cet infortuné absorbe actuellement toute mon attention. Si malheureusement il persiste dans l'horrible dessein qu'il a formé, on l'en empêchera difficilement. Que ne puis-je approfondir la nature des maux auxquels il est livré? Que ne puis-je apporter quelque soulagement à ses souffrances? Je suis sûr, monsieur, que vous lui accorderez votre compassion. Que n'êtes-vous ici? Vous trouveriez peut-être le moyen de le faire revenir de l'erreur qui l'aveugle, et de verser dans son âme affligée un rayon de paix et de consolation. »